Nous la connaissons bien, cette parabole du semeur. Nous l'entendons régulièrement dans la liturgie, 3 ou 4 fois par an. Puis elle est tellement imagée qu'on retient bien ces différentes terres qui sont propices ou non à la germination de la graine. Le fond du message que Jésus nous donne en ce dimanche, c'est de nous questionner sur notre relation à Dieu. Nous savons que pour conserver des graines, il y a 2 méthodes. La première, celle qu'on utilise souvent aujourd'hui aussi en botanique, c'est de faire des banques de semences. On stocke les graines, on fait des magasins de graines qui peuvent avoir un intérêt scientifique pour les conserver, des fois pour être sûr de ne pas les perdre, pour être sûr de conserver des souches plus rustiques. Puis des fois, on s'amuse à refaire des croisements pour améliorer la biodiversité. On fait donc des banques, on enferme la graine et on la garde. Une autre manière de conserver une graine, c'est de la semer, de la faire germer et de lui permettre de porter du fruit et donc de faire d'autres graines. Ainsi, la semence donne d'autres semences et la semence continue à être transmise. Eh bien, le Seigneur nous invite non pas à conserver et enfermer les trésors que nous possédons dans des silos ou des grands magasins de graines, mais à semer largement, à être nous-mêmes cette terre qui va donner naissance à d'autres graines et permettre à cette graine de se conserver. Cette graine, c'est le message de la parole. Nous sommes invités à être cette terre qui va accueillir le message de la parole de Dieu et lui permettre d'être conservée et surtout transmise. Nous connaissons bien cette parabole du talent. Le malheureux qui aura enterré le talent juste pour le retrouver seul et unique sera celui qui, dans le fond, n'aura pas saisi le sens de sa vie. Le sens de notre vie, ce n'est pas d'enterrer, de mettre à la banque et d'être sûr de préserver. Le sens de notre vie, c'est de risquer la fécondité, de risquer que la graine dans une terre puisse évidemment parfois mal germer et mal porter un fruit ou porter un fruit qui n'est pas suffisant, mais elle peut, si la terre est bonne, porter jusqu'à 160 ou 30 pour 1. Et bien voilà à quoi Jésus nous invite, à risquer que la parole de Dieu ne reste pas enfermée dans notre Bible sur notre table de chevet, mais que nous la vivions et que nous en vivions et que nous lui faisions porter fruit dans notre existence. Oui, la parole de Dieu n'est pas seulement un beau livre riche en héritage qui certainement a fécondé notre histoire personnelle peut-être et même notre culture, c'est sûr. La parole de Dieu est plus que cela. Et Jésus nous invite à retrouver cette relation à la parole de Dieu. Non pas un beau livre fait de prescriptions sages et même d'attitudes morales nobles, remplies de vertus, mais un chemin qui nous conduit à une relation. La parole de Dieu nous est donnée pour être en relation. Louis Bouillet, qui est un théologien d'origine protestante, converti au catholicisme, a écrit un petit ouvrage « Introduction à la vie spirituelle ». Et il prend l'exemple de Robinson Crusoe. Tout le monde connaît cette histoire, ce roman de Robinson Crusoe, un roman du XVIIIe siècle. Robinson est sur son île, il a tout ce qu'il lui faut. Il a réussi par son intelligence à faire pousser des fruits, des légumes. Il ne manque de rien. Il est seul, mais il ne manque de rien. Mais précisément, oui, il manque de quelque chose. Il est seul. Il lui manque une relation. Il n'a pas de relation humaine. Il n'y a pas d'autre homme sur cette île pour pouvoir entrer en relation. Et puis un jour, vous connaissez la suite du roman, il va découvrir des traces de branchages. Puis il va se dire, c'est pas normal que ces branchages soient mis comme ça, on dirait que quelqu'un les a mis comme ça. Et puis un jour, il va trouver un feu, puis il va se dire, c'est pas moi qui ai allumé ce feu-là. Et enfin, il va trouver une trace de pas dans le sable. Puis il va bien voir que c'est pas lui qui a marché là. Ça va être pour lui le signe, l'évidence qu'il y a eu ou qu'il y a un passage d'un autre homme sur cette île. Il en a l'évidence, le signe, et les signes qu'il a reçus sont clairs. Et un jour, il va rencontrer Vendredi, cet esclave qui devait être tué par des Indiens des îles voisines. Et il va entrer en relation avec un autre homme. Du moins, il va tenter d'apprendre son langage et petit à petit, il va apprendre son langage et il va entrer en relation. Il n'est plus dans la possibilité de la relation que lui laisse penser les traces qu'il avait vues. Il est dans la relation, dans le langage, dans le dialogue avec un autre homme. Eh bien, Louis Bouilhet prend cet exemple pour nous aider à comprendre que nous ne sommes pas une religion du livre. On nous classe des fois, les chrétiens, la religion du livre avec les juifs et les musulmans, parce qu'on a un livre qui s'appelle la Bible. Mais nous ne sommes pas une religion du livre. Nous ne sommes pas une religion où on a seulement un lien à des récits qui attestent la puissance de Dieu et l'existence de Dieu et l'action de Dieu dans la vie d'un peuple et des prophètes et d'hommes, et y compris en la personne du Christ. Et pourtant, cette Bible est une trace évidente et elle peut nous donner le goût de croire sans doute à l'existence de Dieu. Et c'est déjà beau d'en arriver là, vous me direz, dans un chemin de foi, de croire à l'existence de Dieu avec une foi profonde que la Bible vient attester. Nous sommes une religion de la personne. La Bible ne m'est pas donnée juste pour être une preuve de l'existence de Dieu. Elle m'est donnée pour entrer en relation avec Dieu. Elle m'est donnée pour entrer en relation avec celui qui me parle dans les mots qui sont écrits dans la Bible. C'est en ça qu'elle est parole de Dieu. Un philosophe du XXe siècle nous dit que tant que je parle de Dieu comme il existe, je ne suis pas encore en relation avec lui. Mais le jour où je lui dis tu, et que comme je m'adresse à lui dans un dialogue, alors là, ma dimension spirituelle prend un autre développement. Ma vie avec Dieu devient réelle. Je ne suis plus basé sur des preuves, des traces, des signes de l'existence. J'entre en relation avec quelqu'un. Il n'y a plus de doute possible et c'est plus une sorte de théorie, c'est un fait. Je suis en relation avec lui. Eh bien, la parole de Dieu, chers amis, et c'est à cela que Jésus nous invite, elle nous est donnée non pas pour être une belle graine que l'on préserve sous une cloche. Elle m'est donnée pour que j'entre en relation avec celui qui parle dans cette parole de Dieu. Et il me parle à moi. Et le jour où je la lis en disant « tu » à Dieu, cela change tout. Cela change tout. Combien de saints ont, en ouvrant la Bible, compris leur appel? Pourquoi saint François d'Assise, en entendant Jésus qui envoie ses disciples prêcher deux par deux, sans tunique, ni ceinture, ni sandales, ni bâton, ni argent, il comprend que c'est pour lui cette parole. C'est Dieu qui lui parle. C'est un jeu qui s'adresse à un tu et un tu qui s'adresse à un jeu. Et il en est rejoint. Il est touché par cela. Il comprend que cet appel est pour lui et ça va transformer sa vie. Saint François Xavier, qui était un homme tiède et qui cherchait à vivre une sorte de vie ecclésiastique tranquille, le jour où il va entendre cette parole, « Que sert-il à l'homme de gagner le monde et l'univers entier s'il vient à perdre son âme ?» Eh bien, en entendant cette parole, il va comprendre que c'est à lui qu'elle s'adresse. Il va comprendre que c'est Dieu qui lui parle personnellement. Et cela va transformer sa vie, il va devenir jésuite et aller jusqu'au bout du monde pour annoncer cette parole de Dieu qui l'a transpercée, qui a transpercé son cœur. Alors, chers amis, accueillons cette parole qui nous est donnée pour découvrir combien Dieu est proche de nous. Et je voudrais nous proposer trois pistes pour que la parole soit plus vivante dans notre existence et dans nos vacances. Qu'il n'y ait pas un jour de notre vie où nous ne lisions pas la parole de Dieu. Qu'il n'y ait pas un jour de notre existence où nous n'ouvrons pas la Bible, où nous ne lisons pas l'évangile du jour, où nous ne lisons pas un psaume. On a besoin de cette parole de vie. Nos vies sont remplies de paroles, parfois de paroles tellement niaiseuses qu'elles ne sont pas du tout édifiantes ni constructives. Et combien nous avons besoin d'une parole de vie, nous qui vivons dans un monde qui manque tellement de vie. Désirons ardemment chaque jour de notre vie de goûter, ne serait-ce qu'un verset de la parole de Dieu. Et puis, deuxième peut-être piste, écrivons-la cette parole si elle nous touche, écrivons-la. Ayons un carnet à paroles pour découvrir le fil conducteur que le Seigneur nous propose pour avancer pas à pas à l'écoute de ce qu'il nous dit, puisqu'il nous parle. Il est en dialogue avec nous. Apprenons son langage et notons cette parole qui, on l'oublie, hein, on sait ce que c'est, si on note pas les choses, on passe à autre chose. Mais notons-la. Et peut-être, troisième idée, apprenons-la par cœur. Si une parole me touche, qu'elle rejoint mon âme, je sens qu'elle est précieuse pour moi, elle dit quelque chose. Elle a du sens profond. Apprenons-la par cœur, pour qu'elle soit comme une respiration et lorsque je vis différentes circonstances, elle va jaillir de mon cœur parce que je la connaîtrai, cette parole. Elle ne sera plus si étrangère qu'au début. Elle sera dite par moi, ce sera les mots mêmes de Dieu, mais avec mes lèvres, avec ma bouche, avec mon cœur. Alors, chers amis, que cette parole de Dieu qui parfois nous paraît si lointaine et si obscure, ben, devienne une lumière dans notre cœur, et que nous ayons profondément le goût de venir nous y désaltérer, et qu'ainsi nous soyons cette bonne terre qui porte 80, 60, 30 pour 1. Ce sera notre fécondité et notre joie.